à chipper, à choper. J'ai pas connu ça, le délire old school, pas encore dans tout ça. J'ai pris conscience que je rentrerai dans ce bain. Le son m'a emporté, des chroniques 2001. Ce putain de skull m'a ouvert les yeux. J'ai découvert le hip hop, j'suis monté aux cieux. R.A.P. de toute ta force, tu m'as frappé. Dans mon enfance, d'un jour à l'autre, tu m'as happé. Depuis cette époque, j'ai pas décroché. Avec mon stylo et mon bloc, j'suis resté branché. Ce putain de son m'a donné l'inspiration. Mes pensées sur papier avec une feuille et un crayon. R.A.P. dans une bonne place dans mon cœur. Tu me sers à exorciser mes problèmes et mes peurs. Mes malheurs, mes bonheurs, mes peines et mes douleurs. R.A.P. ma thérapie, en moi j'porte tes couleurs. Toi, seul toi, t'es tout ce que j'ai. Jamais rien, tu m'as reproché. R.A.P. m'a attrapé, m'a fait déraper. R.A.P. m'a rattrapé, m'a fait rapper. Toi, seul toi, t'es tout ce que j'ai. Jamais rien, tu m'as reproché. R.A.P. m'a attrapé, m'a fait déraper. R.A.P. m'a rattrapé, m'a fait rapper. Les champis sont dans le pré, le deux chier dans le spliff. J'amène quelques rimes pour un bon cocktail explosif. Kaiser, année 96, ange gardien lyriciste. Jouer avec les mots, ma conviction d'artiste. Mon négatif est un positif. Positivité sombre dans mes phrases et R.A.P. Trois lettres et beaucoup de mots pour le décrire. Assainir un vocabulaire pour mieux l'écrire. J'augmente l'intensifie de tes cris. L'amour de la rime à tout prix et je prie pour que ça aille mieux demain. Que la vie soit belle mais pas que sur dessin. Des clins d'un œil face à son assassin. Un égo trip porté par un coup de sur. Serein, j'ai pris de 16 mesures, n'est ces flex, préparez vos signatures. La Libye, on détient la rime du futur. J'ai des rimes, mon trait de caractère, tout le monde s'en fout. Mais le cas est à terre, un groupe devenu poussière. Un peu comme une famille sans un père, un MC sans repère. J'rappe avec une langue de vipère, j'réitère morosité, symbole suicidaire. J'suis sidéré quand j'vois ce qu'est devenu R.A.P. Une musique de flambeur à peine cultivée. Viens dans mon champ, tu verras comment j'la fais pousser. Sans engrais, pour un maximum de saveur. Kaiser, dans mon cœur, toujours une part de rancœur. Toi, seul toi, t'es tout ce que j'ai. Jamais rien, tu m'as reproché. R.A.P. m'a attrapé, m'a fait déraper. R.A.P. m'a rattrapé, m'a fait rapper. Toi, seul toi, t'es tout ce que j'ai. Jamais rien, tu m'as reproché. R.A.P. m'a attrapé, m'a fait déraper. R.A.P. m'a rattrapé, m'a fait rapper. Déraper, pas un envie, ni une passion. 86, j'ai ressenti cette sensation. Gangsta Paradise des couillots, j'ai écouté. Je chantais le morceau, même vérité. Je luttais en boucle à enregistrer sur toute la cassette. Rien qui tournait, elle m'a jamais pris la tête. Toujours je suis tombé dépendant de cette musique qui m'accompagne à chaque moment. Triste, heureux, calme, nerveux. Tu m'as jamais quitté, tu me rendais toujours joyeux. Parfois agressif ou vicieux, mais souvent pensif et mystérieux. T'as répondu à beaucoup de mes questions. À toi appartient toute mon affection. Tu donnes l'air pour respirer. J'aime ton odeur qui fait que de m'attirer. Toi, seul toi, t'es tout ce que j'ai. Jamais rien, tu m'as reproché. R.A.P. m'a attrapé, m'a fait déraper. R.A.P. m'a rattrapé, m'a fait rapper. Toi, seul toi, t'es tout ce que j'ai. Jamais rien, tu m'as reproché. R.A.P. m'a attrapé, m'a fait déraper. R.A.P. m'a rattrapé, m'a fait rapper.